L'heure du loup. Le meilleur des musiques sombres sur Osmose Radio. Ho, ho, ho, Father Christmas, amène-nous des thunes, c'est tout ce dont on a besoin, c'est un peu ce que chantaient les Kings à l'instant. Soyez les bienvenus sur Osmose Radio, mes petits loups, vous êtes bien ce soir pour la dernière émission de l'année, pas de la saison, avec Stéphane pour votre émission Rock and New Wave, comme chaque mardi soir. Vous êtes bien dans l'heure du loup, une émission ce soir qui est la dernière de l'année, vous disais-je, la dernière du mois de décembre et qui bien entendu correspond à ma playlist de Noël. Et on commençait avec The Kings. C'est un morceau un petit peu vintage en quelque sorte, mais qui évoquait un petit peu l'actualité récente. Il faut croire que les Kings des fois arboraient des vestes jaunes quand ils montaient sur scène. Et bien là, ils parlaient un petit peu de ce que scandent les Français en gilet jaune depuis quelques semaines aussi, puisque à l'instant ils disaient Père Noël, donne-nous des thunes, c'est d'où tout ce dont on a besoin, et on a, sans ça, on va être obligé de faire du bruit, en quelque sorte. Voilà, c'était peu ou prou ce qui se disait à l'instant. On va continuer avec un autre morceau, qui, histoire de positiver un petit peu hein, en cette fin d'année, on en a bien besoin, je crois. On va continuer avec un autre morceau d'un garçon qui, lui, n'est pas connu pour être très très positif, mais qui le cache bien, en tout cas, dans ce morceau, tout de suite, Hills, It's Gonna Be Alright for Christmas. Last year when you were on your own, swore the spirit couldn't be found. December rolled around and you were counting on it to roll out. Well, everything's gonna be cool this Christmas. Everything's gonna be cool this Christmas. Everything's gonna be cool this Christmas. Everything's gonna be cool this Christmas. Everything's gonna be cool this Christmas. Looking for you down at the house. The tree is looking so inspiring. There's a Yuletide groove waiting for you to move. I'll go and throw another log on the fire. Everything's gonna be cool this Christmas. Everything's gonna be cool this Christmas. Everything's gonna be cool this Christmas. Everything's gonna be cool this Christmas. Everything's gonna be cool this Christmas. Baby Jesus, born to rock. As days go by, the more we need friends, and the harder they are to find. If I could have a friend like you all my life, well, I guess I'd be doing just fine. Everything's gonna be cool this Christmas. Everything's gonna be cool this Christmas. Everything's gonna be cool this Christmas. Everything's gonna be cool this Christmas. Everything's gonna be cool this Christmas. Everything's gonna be cool for Christmas. Tout à l'heure, je me suis trompé dans l'intitulé du morceau. Faut croire que les bons mots me seront entrés dans les neurones et se seront faufilés comme des anguilles. Bah, ça tombe bien parce que le groupe qu'on écoutait à l'instant, c'était Hills, avec ce titre du début des années 2000, je crois, de ce groupe américain, ce groupe de rock indépendant américain. Ce soir, ça va être un petit peu la part belle dans cette playlist de Noël, la part belle aux groupes anglo-saxons parce que aux États-Unis et en Angleterre, principalement, il y a vraiment une tradition de chansons de Noël pour dans tous les styles musicaux d'ailleurs, hein, que ce soit Mariah Carey, les trucs un peu commerciaux comme ça, ou que ce soit un bon gros groupe de métal bourrin, tous pour Noël aiment à se réapproprier les cantiques traditionnelles, tout ça, et du coup ben, ça va être un petit peu eux qui vont être à l'honneur dans la playlist de ce soir, puisque ce sera une playlist consacrée hein, en cette fin d'année au thème de Noël bien entendu. Alors par contre, je disais, ça va être la part belle au groupe anglo-saxon. Mais pas forcément, je vais pas forcément zapper la langue française, parce que celle-ci, quand on écoute des cantiques, soit qui ont été traduits, soit des cantiques traditionnels de chez nous, on a un petit peu de mal quand ils sont mis en musique rock, on a un petit peu de mal à les prendre au sérieux. C'est nous français qui avons un petit peu de mal avec ça, ce qui est très bête d'ailleurs, mais on n'y arrive pas, c'est comme ça. Et mais en même temps, hein, faut croire qu'il y a pire, puisque même des artistes que j'admire beaucoup comme Siouxsie, parfois quand ils chantent en français, ça donne un truc un peu bizarre. Thank you. neige est en son blanc manteau et les yeux levés vers le ciel. Les genoux, les petits enfants vont fermer les paupières. Et une dernière prière, long black dream. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, n'oublie pas mes petits souliers, n'oublie pas mes petits souliers. Mais avant de partir, il faudra bien revenir. Devant, tu vas voir si froid, c'est un peu à cause de toi. J'ai hâte de voir le jour où je te lève. Marchant de sable est passé, les enfants vont faire de dos. Et toi tu vas pouvoir flamber avec ta hotte sur le dos. Au son des cloches des églises, la distribution des cerises. Et quand tu seras sur ton beau nuage, viens d'abord sur notre maison. J'aurais pu vous ramener du punk de New York pour vous ramonner les oreilles, hein, avec les Ramones par exemple. Attention au jeu de mots. Mais finalement, non, j'ai choisi du punk français finalement ce soir dans cette playlist de Noël. Et puis les Ramones, hein, je vous en ai déjà ramené il n'y a pas si longtemps. Et en plus, ouais, ça tombe bien parce que le Père Noël passe par la cheminée et c'est de lui dont il était question à l'instant dans ce titre Petit Papa Noël qui a été repris par Trust sur scène et s'était enchaîné juste avant avec un morceau qui faisait partie des limbes des archives de la BBC. C'était à la fin des années 70, Susie de Susie and the Banshees et Robert Smith de The Cure qui reprenait ce cantique en français. Il est né le divin enfant. C'était dans une émission spéciale de Noël de la BBC à l'époque. Voilà, donc les curiosités d'un Internet nous réserve parfois des surprises. D'autres curiosités, c'est celle du petit écran et celle aussi du grand écran avec un film qui nous aura tous marqué un petit peu plus tard, dans les années 90. C'était L'étrange Noël de Monsieur Jack et qui faisait un petit peu le pont entre Halloween et Noël. Et ce magnifique film d'animation, d'ailleurs, qui n'était pas de Tim Burton mais de Henry Selick, contrairement à ce qu'on a tendance à croire parfois, était un très beau film qui nous aura notamment marqué par la magie de de son atmosphère, à laquelle tenait beaucoup, à sa bande originale de Danny Elfman, bien entendu, laquelle aura aussi fait l'objet de pas mal de reprises. Ce soir, je vous en ramène une d'un groupe de métal, en fait, qui s'est réapproprié un petit gimmick que chantent des enfants un peu malicieux, voire un peu salopards, quand ils veulent kidnapper le Père Noël. Le Père Noël, en anglais, c'est Santa Claus, mais eux, ils comprennent mal, et ils veulent kidnapper le perce-oreille, Sandy Claus. Nasty trap and wait. When he comes a sniffing, we will snap the trap and close the gate. Wait, I've got a better plan to catch this big red lobster man. Let's pop him in a morning box. Any machinery, you don't miss the sign of the pleasure. Hey, pleasure, oh, Dubstar Incorporated avec le titre 1000 Watts of Artificial Pleasure. C'est enchaîné juste avant avec Korn et une reprise de la bande originale du film L'étrange Noël de Monsieur Jack avec Kidnap the Sandy Claus. Voilà, donc c'était une petite reprise par ce groupe metal et après c'était un autre groupe metal, plutôt orienté metal indus, venu d'Italie celui-là avec ce titre 1000 Watts of Artificial Pleasure, 1000 watts de plaisir artificiel parce que ouais, vous êtes. Vous allez peut-être fêter Noël, chers amis, mais vous êtes des adultes maintenant, vous êtes des grands-enfants. Vous allez peut-être vous acheter des jouets pour grands-enfants, des jouets avec des piles qui vont vous donner des vibrations de plaisir artificiel quand vous serez tout seul dans votre chambre pendant les tristes journées de janvier. Donc, je vous conseille de bien vous amuser, vous avez bien raison. Et faites-vous plaisir avec ces jouets pour adultes auxquels je faisais référence avec ce titre Dubstar de Dubstar Incorporated. Voilà. On va passer à quelque chose d'autre. On va rester dans les musiques un peu bourrin avec un autre groupe de métal, puisque tout à l'heure je vous disais que cette tradition de reprendre des cantiques de Noël était très vivace aux États-Unis dans tous les styles musicaux, notamment le métal. Et notamment, il y a quelques années, il a été sorti une compilation de différents groupes qui avaient fait des reprises, justement. C'était un peu des stand-alone entre guillemets dans leur discographie, parce que souvent ils avaient fait cette reprise uniquement pour cette compilation là. C'était pas un truc qu'ils avaient récupéré de leur discographie à eux. Et la compilation s'appelait We Wish You a Metal Xmas and a Headbanging New Year. Voilà, et donc un Noël métal et un Saint-Sylvestre où vous bougez votre chevelure, en quelque sorte, si je peux traduire ça comme ça. Et donc, pas mal de groupes s'étaient succédés sur cette compilation. Il y avait Ronnie James Dio à l'époque, il était encore vivant. Il y avait Alice Cooper notamment et tant d'autres. Et là, en fait, c'est plusieurs musiciens qui n'étaient pas du tout dans les mêmes groupes qui se sont rassemblés pour faire une reprise d'un morceau d'Elvis Presley des années 50 dans une version un peu plus rock'n'roll, Santa Claus is Back in Town. Baby! vous aimez les uns les autres, bordel de merde. Sylvester Stallone. Tenez. Dans le film qui a bouleversé l'Amérique. Ceci est mon corps. 50% homme, 50% Dieu, 100% sauveur. Tenez, ceci est mon sang. Et toi, Judas, tu ne manges pas ? Je n'ai pas très faim. Tu trouves que ce qu'il y a dans ton assiette n'a pas l'air catholique ? Pour sauver sa peau, il doit mourir. Qui es-tu ? Jésus-Christ. Jésus-Christ, fils de Dieu. Et toi, qui es-tu ? Pilate, Ponce Pilate, fils de... Fils de pute. Jésus 2, le retour. Maintenant, ça va chier. Ça va chier sur Osmose Radio, notamment avec cette playlist consacrée à Noël ce soir. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Osmose Radio. Vous êtes bien dans l'heure du loup avec Stéphane. Ce soir, c'est une playlist consacrée à Noël, puisque c'est la dernière émission de l'année, en cette fin décembre. Et à l'instant, on écoutait bien entendu, vous l'aurez reconnu, un homme que j'admire, bien après Joseph Staline. J'aime bien aussi Sylvester Stallone, puisque notamment quand il interprète Jésus dans cette parodie des Inconnus qui date, elle aussi, des années 90. Et voilà, donc une petite histoire de faire une petite référence, hein, puisque le 25 décembre, Noël, c'est un petit peu la naissance de Jésus. Et autant y faire des petites allusions rigolotes comme celle qu'on vient d'écouter à l'instant. Et juste avant ça, c'était un extrait d'une compilation qui s'appelle We Wish You a Metal Xmas and a Headbanging New Year, avec un morceau en fait qui avait été composé par l'occasion. Donc c'était une reprise de Elvis Presley qui fleurait bon le glam sleaze des années 90 avec différents musiciens qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble. Il y avait notamment le chanteur de Judas Priest, le bassiste de Machin Truc, le coiffeur de Van Halen et le gynécologue de Doro. Donc, enfin bref, je vous mettrai le détail évidemment sur le Facebook de l'heure du loup, facebook.com/l'heure du loup, tout attaché, si vous avez envie d'en savoir plus. Pour moi, on va continuer dans cette playlist dans des styles musicaux un petit peu différents, notamment avec l'électro, avec un groupe qui nous vient d'Allemagne, Lost Image, vu qu'en Allemagne, en Europe centrale en règle générale, le marché de Noël de Strasbourg, dont il a été tristement question ces derniers temps, en est aussi une preuve. Eh bien, les marchés de Noël, l'ambiance de Noël est prépondérante et je crois que c'est eux-mêmes qui ont donné le ton, notamment quand les Allemands se sont exilés aux États-Unis. Donc, si cette tradition est aussi vivace dans le monde entier, c'est aussi sans doute beaucoup grâce à eux ou à cause d'eux, ça dépend comment on voit les choses. Et du coup, en Allemagne, il est aussi question de faire des références au Père Noël, mais c'est fait de manière un peu plus discrète et c'est fait dans des styles un peu différents, comme dans l'électro-indus, enfin là en l'occurrence ça va plutôt être de l'EBM, qu'on va écouter avec Lost Image dans ce titre qui s'appelle Madness, Tanz den Weihnachtsmann. We'll be right back. Trotz nichts gebracht. Save me from Vous connaissiez ce morceau dans la version originale des années 80, une pop bien sirupeuse avec le groupe Wham et George Michael qui était très très beau gosse à l'époque et qui chantait ça d'une voix de velours. Et bien là c'est un morceau qui a été repris récemment en fait dans une émission là encore sur la BBC par le groupe The XX qui ont repris ce titre Last Christmas qui était assez célèbre depuis lors et ils l'ont repris dans une version mais totalement remaniée et toute joie de vivre a disparu de ce titre. Ils en ont fait une version entre Dream Pop et Cold Wave et c'est tout à fait insolite comme reprise et je ne la connaissais pas, je l'ai découvert en préparant cette émission pour ce soir. Chers amis, on approche d'ailleurs de la fin de cette émission mais on va quand même suivre des conseils pour rédiger sa lettre au Père Noël hein, avec une petite demoiselle qui elle est toujours enjouée par contre même quand elle dit des horreurs, c'est la petite Guédré qui là va nous donner quelques conseils pour écrire sa lettre au Père Noël. Cher Père Noël, cette année t'encombre pas pour moi. Apporte-moi directement un petit chinois. Avoir un chinois chez soi, moi j'aimerais avoir un chinois chez moi. Je le rangerai dans le placard sous l'évier et je le sortirai pour qu'il puisse me fabriquer un téléphone et des chaussures, un rideau de douche et un ordinateur, une petite table et des ampoules, des slips et des cadeaux pour les autres membres de ma famille et aussi des cadeaux pour mes amis. Comme ça t'aurais moins de choses à transporter, ce serait mieux pour ton dos et aussi bien mieux pour la planète. Comme ça les objets ne voyageraient pas de très loin en avion, il y aurait beaucoup moins de pollution si on avait tous un chinois. Quand il reviendra, il fera grand jour. Personne n'avait voulu de lui. Jésus revient, Jésus revient parmi les tiens. Du haut de la croix, dis-nous le chemin, toi qui le connais si bien. Vous aurez reconnu là encore un film qui vous aura sans doute marqué. Là, c'était dans les années 80, Étienne Châtelier avec ce qui reprenait, qui chantait en fait les louanges du Seigneur dans un spectacle de fin d'année des gosses avec ce titre Jésus revient. Mais justement, tous les 25 décembre, il revient. Il est même un peu trop souvent présent dans l'année, d'ailleurs, à mon goût. Mais bon, bref, ça n'engage que moi. Et avant, c'était enchaîné avec Guédré, qui, elle, avait des préoccupations un petit peu différentes dans sa lettre au Père Noël. Et un petit peu à ceux qui, en pensant un petit peu à ceux qui étaient derrière les cadeaux et les intérêts que recouvraient ces fêtes de fin d'année. Alors là, on approche de la fin de l'émission, vous disais-je, et on faisait une petite allusion au christianisme et au vernis de christianisme qu'on met sur des traditions païennes. En l'occurrence, Noël, ben, c'était de prime abord, c'était la fête celtique de Yule, en fait, qui correspondait au jour le plus court de l'année, et donc au moment où les jours se mettent à rallonger, c'est le retour de la lumière, en quelque sorte. Yule, ben, c'est encore comme ça qu'ils l'appellent, d'ailleurs, en Grande-Bretagne, en général, en Écosse en particulier. Et donc, c'est des traditions qui n'ont pas totalement été effacées par le christianisme. Et ben, justement, il va en être un petit peu question dans ce titre avec lequel on va aller tout doucement vers la fin de l'émission, un titre du groupe espagnol Trobar des Mortes et le titre Yule, The End of Darkness. Thank you. que j'aime ces sons acoustiques, ces ambiances médiévales, notamment avec le morceau qu'on écoutait à l'instant, You Lay the End of Darkness, avec le groupe Trobar des Mortais, qui, comme à son habitude, va chercher dans les périodes médiévales son inspiration. Voilà, chers amis, on arrive en fin d'émission. C'était une playlist consacrée à Noël ce soir, puisque c'est le moment de l'année. Et écoutez, je vous souhaite passer de bonnes fêtes, chers amis, hein, même si elles risquent d'être un petit peu agitées de part et d'autre. Moi je vous souhaite de passer du bon temps tous ensemble, en famille, en amis, si vous qui voyez, et puis sinon il est temps aussi de se raconter des histoires, de regarder la sélection des films de Noël, que ce soit au cinéma ou à la télévision, et de se raconter des histoires de contes de fées, hein, par exemple. Tiens, pour vous donner à titre d'exemple, dans les contes de fées, ils ont toujours des petits lutins pour les aider. Le Père Noël, hein, dans les contes de Tolkien ou dans les légendes, le Père Noël avait des petits lutins pour l'aider. Nous, à Osmose Radio, moi j'avais le petit lutin Loïc pour m'aider à faire cette émission. Mais heureusement qu'il était là d'ailleurs. Voilà. Et justement, c'est avec en quelque sorte des contes de fées, mais venus de New York, ceux-là, qu'on va se quitter, chers amis, avec un morceau un petit peu décalé, comme à notre habitude. Et comme je vous ai dit tout à l'heure que Yule, c'est une fête d'origine celtique, c'est avec des Irlandais qu'on va se quitter, avec Shane McGowan et le groupe The Pogues dans les années 80 qui nous chantait Fairy Tale of New York. Passez de bonnes fins d'année, bonnes fêtes de fin d'année, mes petits loups. Je vous donne rendez-vous en 2019. Salut! It was Christmas Eve, babe, in the drunk tank. Said to me, won't see another one. And then he sang a song, the rare old mountain tune. I turned my face away and dreamed about you. Christmas Day.